Bonsoir Anaïs, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir, ça va très bien et vous? Ça va, ça Oui, va. ça On est content de va. t'avoir ici. Alors Anaïs, le forum ouvre ce soir, du moins après en fait. Wouh! Oui. C'est qu'une pré-ouverture clos. Oui, mais enfin, il était temps. On n'arrêtait pas de remettre l'ouverture. Yeah, enfin. J'avoue que moi On a j'attends tous très l'ouverture hâte. depuis 2 semaines déjà. Hein. On Mais a tous depuis vraiment trois. très très hâte. Oui. Ah ouais, non, mais moi, j'étais trop, trop contente de savoir que l'ouverture était aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on Je va pense que ça parler? va faire, je pense que ça va faire un peu bizarre aussi que ça ouvre enfin. Enfin, voir du monde sur le forum. Oui, c'est Après, ça. Ça va être comme, ça va être un peu étrange d'avoir des c'est présentations, d'avoir des membres autres que nous. Mais c'est stimulant aussi. Ça doit vous faire plaisir que voir, il y a quand même 63 prévenus quand même. Oui. Je crois que c'est la première fois qu'on a un projet qui attire autant de monde. Oui. Et Et c'est aussi je un crois que c'est projet très aussi avant-gardiste. c'est la première fois qu'on passe autant de temps sur un forum, donc à le construire, à penser aux animations et tout ça. Donc on a vraiment bien prévu les animations pour le futur et tout. Qu'on Je pense espère que que ça va plaire à tout le c'est monde. une de nos forces cette fois-ci, d'avoir vraiment pensé à tous les points, d'en avoir aussi en réserve. On a déjà une version en réserve, on a déjà des animations en réserve. Donc voilà. Désolée pour le bruit des fois si vous entendez des bruits un peu étranges, mais on n'a pas tous un micro USB comme moi. Donc les Oui, on sons n'est pas ambiants vont tous être là. fournis comme Mademoiselle Clo. J'ai été en cinéma, hein. Moi, je J'étais pense qu'on pourrait déjà commencer. Tu pourrais déjà commencer par te présenter, Anaïs, pour que tout le monde puisse te cerner, apprendre à te Oui, c'est connaître. toujours moi qui me sors le soir. Tant pis. Je commence à tant pis. On le coupera au montage. Ouais. Cette manière, il va avoir un blanc sur les trucs. Si jamais je peux éditer l'entrevue d'Anaïs pendant Désolée, que vous... il y a mon père qui a interrompu là pour me demander si je voulais aller sortir le chien. Voilà, c'est bon. Normalement, il n'y aura D'accord. plus d'interruption. De toute manière, on peut couper le yo sans problème. Voilà, on Vas-y, coupera et vas-y, puis on fera un montage. Marc. Donc, je disais, je pense que ça serait bien que tu te présentes à tout le monde, comme ça tout le monde pourrait apprendre à te connaître, apprendre qui a fait ce magnifique forum. je vais commencer par dire quoi. Je m'appelle Anaïs, donc je vis en Belgique, à Bruxelles. Je fais actuellement des études en sciences politiques. L'année prochaine, normalement, je commence un master en je ne sais pas quoi encore. Et c'est à peu près tout, hein. Un master en je ne sais pas quoi, tu serais intéressé, tu sais plus vers quoi en fait. Peut-être quelque chose vers le monde juridique et dans cette zone-là. Et voilà. Non, c'est intéressant quand même comme vocation. Vocation, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on essaye de maximiser les possibilités de trouver un travail par après, vu que c'est pas forcément quelque chose avec plein de débouchés. Enfin, bien, on verra bien. J'ai À encore tout l'heure l'été actuelle, pour décider. j'avouerai que les débouchés ne sont pas très très ouverts pour beaucoup Mais de malheureusement, on est métiers. tous beaucoup, beaucoup, surtout sur les RPG et tout ça, on est beaucoup artistes. Et donc, c'est difficile de trouver quelque chose qui nous convienne. Voilà. J'approuve. Je pense qu'on est tous comme ça parce que moi j'ai perdu mon emploi, donc je suis en pleine réorientation et je galère pas mal. Je pense que Clo, vu son parcours, on va pas en parler, c'est ça, Clo? Non, mais j'ai changé d'études, bah, je pense au moins 4 fois de suite, c'est pas 5, là. J'accumule les prêts étudiants, puis je sais toujours pas qu'est-ce que. Ben là, oui, je sais, mais je savais vraiment pas qu'est-ce que je voulais faire comme emploi là, avant de. Je pense que c'est vraiment le problème de tous les jeunes partout dans le monde en ce moment. Vraiment un gros problème. On est un peu laissé à nos propres moyens et on n'est pas assez préparé, je trouve. Quand on arrive. Non, mais heureusement pour nous qu'on peut s'exprimer sur les forums, moi je kiffe. Heureusement, heureusement. je pense que quelque part, il nous faut vraiment une plateforme pour être capable de nous exprimer parce que sinon, ça marchera pas. Là. Je veux dire, il faut être capable, de, à la fin de la journée de travail, d'avoir une place pour être nous-mêmes et pour pas avoir à faker nécessairement un sourire ou peu importe. Parce qu'on peut pas être de mauvaise humeur quand on travaille. Il faut toujours avoir le grand sourire, dépendamment de ce qu'on fait. Mais il faut pas se plaindre de sa vie de travail. Parce qu'on peut un peu se plaindre de notre vie RPG, qu'il n'y a pas de problème là-dessus. On peut se plaindre de tout, de toute manière, sur le RPG. Ça, c'est une aubaine. Oui, oui voilà. Quoi. On aime tous se plaindre. Hein? Oui. Donc, quel esprit est-ce que tu as cherché à créer? Ça t'est venu d'où, ça, Late Night Tales? Pourquoi pas de scénario? Pourquoi pas de prélien? Pour commencer, je dirais que beaucoup, par exemple, sur le projet, on fait remarquer que le choix de la ville n'était pas très original, forcément. New York, tout le monde connaît. Tout le monde a eu des forums sur New York. Tout le monde a joué sur des forums sur New York. Je veux dire qu'en fait, New York, ça a beau être revu, ça a tellement de possibilités et t'en offre encore une nouvelle, en fait, j'ai l'impression, moi. En fait, moi, j'ai l'impression de ne pas retrouver sur les autres forums, en tout cas dans ceux que j'ai connus, etc. Parce que la perle rare existe, mais que je ne suis pas encore tombée dessus. Mais j'ai pas l'impression de trouver le New York que j'ai envie de voir. C'est, en général, j'ai l'impression qu'on retrouve surtout les New York de Gossip Girl, style très idéalisé, avec... des personnages qui sont pas forcément authentiques, puisque forcément ils vivent la grande vie dans les hôtels dans les hôtels de luxe et on se promenant en limousine et je sais pas quoi. Ou alors dans les forums plus simples où on essaye de montrer une vie plus normale, j'ai l'impression que l'aspect murk est si peu utilisé que ça pourrait se passer dans n'importe quelle autre ville. Et donc moi surtout, c'est cette idée-là que j'ai voulu construire ce forum. C'est un New York authentique, mais un New York qui est bien représenté. En tout cas, on va essayer. Un New York authentique, cette idée me plaît bien, en fait. Parce que, en fait, quand j'ai lu ton projet, moi, je me suis dit, ouais, New York, OK. Bah, c'était comme toi, en fait. C'était un New York, OK, on va encore tomber dans le dossier bien. En fait, j'ai vu la particularité des quartiers que tu as choisis. Et en fait, c'est pas les quartiers qu'on voit d'habitude, en fait. À part le Greenwich Village, qu'on voit souvent. Mais genre Dumbo, c'est pas un quartier habituel, quoi. Et en fait, c'est justement un des gros problèmes que je trouve, c'est que le New York qui est représenté pas mal dans les RPG, c'est le vieux New York. C'est le New York d'il y a quelques années. Alors que c'est une ville qui a beaucoup changé en fait en 10 ans. Et Brooklyn s'est énormément développé. Et donc, un quartier comme Dumbo, qui était sûrement inconnu il y a 10 ans, maintenant, c'est un des épicentres culturels de New York. C'est là où... c'est un des quartiers les plus à la mode. Et pourtant, on ne les voit jamais dans les RPG. Tout simplement parce qu'on a encore cette vision de Gossip Girl. On pense que tout se passe à Manhattan, que tout le monde rêve d'habiter l'Upper East Side, alors qu'en réalité, c'est un quartier presque devenu aussi. D'ailleurs, Brooklyn est un des quartiers les plus populaires de New York. Peu le savent, ça. Oui, moi j'avouerai que Brooklyn est un des quartiers, si j'en viens à... comment dire, à visiter New York, c'est un des quartiers que j'aimerais visiter parce que on voit toute son évolution depuis quelques années, etc. Et j'avoue que, en fait, le choix des quartiers, j'en reviens là, mais tu m'as choisi des quartiers que moi, je ne connaissais pas, en fait. J'ai dû aller regarder des recherches. Vraiment contente de t'entendre dire ça parce que j'ai essayé de ne pas prendre justement des quartiers qui étaient les plus vus et de prendre aussi des quartiers qui étaient tournés vers les jeunes. Parce que bon, c'est autour de ça que le forum s'articule aussi. Hein, En fait, je pense qu'autant qu'il y en a qui aiment jouer des vieux, la majorité vont jouer des personnes dans la vingtaine environ. Exactement. Et alors New York n'est pas une ville vieille. Je pense que c'est ça que tu as voulu instaurer aussi sur le forum. C'est une ville jeune, dynamique. Voilà, en fait, c'est pas spécialement le côté vieux ou jeune. C'est plutôt vraiment l'idée de... les gens qui ne sont pas encore dans la vie qui rêvent d'avoir, les gens qui ne sont pas encore dans leur routine ou c'est métro, boulot, dodo. Enfin, c'était vraiment l'idée, c'est de jouer sur les gens qui se cherchent encore. Parce que bon, voilà, je suis j'arrive, j'ai pas mal avancé dans mes études. c'est quelque chose qui me touche pas mal, puisque on essaie tous de se lancer dans la vie, de trouver notre voie, etc., etc. Je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être pas assez développé dans les RPG en ce moment. J'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup sur les petites villes et donc les vies familiales, etc., etc. Alors que personnellement, c'est pas encore quelque chose qui me touche. Tu as voulu instaurer une ambiance assez. On commence dans la vie, on galère, on fait ce qu'on veut. Et j'avoue que ce point-là me plaît beaucoup. En parlant d'ambiance, tiens, tu penses que tu voudrais instaurer quoi comme ambiance sur le forum? Je crois que tout le monde, à peu près ce que tout le monde veut, hein, tout le monde veut un forum où il y a une bonne ambiance. Bien, mais surtout, il y a une bonne communication entre tout le monde. Dans le sens où. Il y a de l'activité au niveau du RP, mais aussi dans le flout où les NP s'envoient souvent, etc., etc. C'est vraiment quelque chose où tout le monde s'amuse sans se prendre la tête, etc. Entre autres, les préliens, c'était un peu ça. C'est pour ça que je voulais les supprimer. J'ai l'impression que quand on scénarise tout à l'avance, on a tendance à s'isoler avec ses liens. Et alors, chacun joue son lien de son côté, joue sa propre histoire de son côté, et alors on ne fait pas forcément attention aux autres. On ne lit plus les RP des autres. Que tu veux dire, en fait, c'est ce qu'on se contente sur notre personnage, mais on va pas voir ailleurs, quoi. On est dans exactement. Ça isole, j'ai l'impression. Je pense aussi que les Nighters est différent des autres forums parce que c'est pas forcément l'histoire des personnages, c'est aussi l'histoire de New York qu'on veut raconter. Donc oui, les préliens n'ont pas vraiment de signification dans ce contexte-ci. Surtout qu'en plus, ils vivent tous dans des immeubles, donc... Non, c'est le but, hein. Alors, ça a trouvé des liens facilement. Ça m'a fait penser au pack... City que les Sims ont fait. Ah, Sims. C'est un peu l'idée. C'est un super bon pack en plus, donc on vous le suggère fortement. Voilà, achetez-le parce que je crois qu'on l'a tout. Hein. Il devrait s'appeler Late Nighters, le pack. Voilà, on va renommer le pack le pack City Late Nighters. On va envoyer une requête aux Sims. Ça y ressemble vraiment. On a aussi un quartier artistique, un quartier à la pointe de la technologie, etc. etc. C'est pas mal similaire. Oui, puis quand on prend certains logements, il y en a qui ont des réparations à faire, donc qui ont des fantômes. Je veux dire. Ça, c'est pas mal. S'il vous plaît, alors... Sincèrement, moi, l'idée des... En fait, moi, ce que j'aime vraiment, c'est les Late Nighters, c'est l'esprit à faire des appartements, en fait. Rien que cette idée-là me plaît énormément. Et comment vous l'avez construit autour des immeubles est tellement différent. Genre, aux Sims, quoi, parce que tu as des réparations dans l'un, tu as un autre, c'est tellement coloré que tu en as mal aux yeux. J'avoue que cette ambiance-là que vous avez mis avec cette communauté que vous créez par les appartements, parce que un appartement, c'est pas une maison. C'est pas tu vas faire coucou sur ton palier à ton voisin. C'est quelque chose où tu vas rencontrer ton voisin dans les escaliers, où tu vas aider ta vieille voisine à porter ses sacs dans les escaliers quand l'ascenseur est... J'avoue que ce truc-là, ça fait rapprocher les gens et je pense que tu y as pensé pour ça. Oui, tout à fait. Le but, c'était vraiment que tout le monde puisse se trouver des liens facilement en étant voisin, en étant propriétaire. C'était vraiment... C'est parce qu'il y a ça que j'étais plus à l'aise pour supprimer les préliens, vu que y a plein de possibilités d'en trouver sans forcément chercher pendant des heures. Suffit qu'un jour l'ascenseur tombe en panne, je veux dire. Exactement. Il y a combien de personnes dans les escaliers qui vont être là? Est-ce que tu as de l'eau? Est-ce que tu as de l'eau? C'est tellement ça. Et moi, j'ai une question, Anaïs. Qu'est-ce qui tient le plus à cœur de tes projets que tu as construits sur Late Nighters? Qu'est-ce qui fait que Late Nighters est unique pour toi? Y a plein de choses. Hein. Déjà, c'est un projet auquel je pense depuis très longtemps. Et Chloé peut être témoin de ça. Ça fait des années que j'en parle, je crois. Et donc, on a fait, je pense, au moins 3 versions. Voilà. De ce forum-là, on ne l'a jamais ouvert parce qu'on ne trouvait pas la touche qui manquait. Je crois que c'est ça, en fait. Maintenant, avec le on temps, a vieilli, avec, on a grandi, etc. Voilà. Voilà. On a commencé. Je pense que vraiment la touche d'originalité, forcément, ce sera la suppression de tous les scénarios et de tous les préliens pour justement essayer de créer une nouvelle ambiance, en fait quelque chose de différent de ce que les gens ont déjà vu, de ce que les gens ont l'habitude de faire. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de réunir tout le monde, d'arrêter de se préoccuper chacun de sa petite histoire. Et voilà, exactement. Je pense que aussi une des nouveautés, le forum nous a tellement inspirés qu'on en venait à ne même plus savoir quel avatar jouer, parce qu'on dirait qu'aucun visage faisait vraiment l'idée de nos personnages. C'est une première pour nous aussi de jouer des mannequins. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est important de le noter. Oui. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais je me sens de plus en plus enfermée par les avatars. Je comprends que certains ont besoin de visualiser leur personnage avec un visage réel. Mais personnellement, plus le temps passe, plus j'ai du mal. Plus je trouve l'avatar accessoire, personnellement. J'avoue aussi que moi, pour le sujet avatar, en fait, c'est que maintenant, je trouve plus l'intérêt, en fait, à part pour un ou deux, et ça va être très, très rare, mais je trouve plus l'intérêt de choisir une tête et de coller un personnage dessus. Autant choisir un personnage et coller une tête dessus après, quoi. Oui, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Avant, c'était le contraire. Mais je pense qu'avec on devient mature, en fait. C'est ça. C'est sûr que c'est un autre sujet de débat. On ne s'éternise pas là-dessus. On pourra en parler au cours d'un autre podcast. Mais c'est sûr que les avatars, il ne faut pas dépendre non plus des avatars. J'ai l'impression que de nos temps, beaucoup prennent l'avatar sans même avoir une idée de personnage. Ça fait qu'au bout d'un moment, il ne reste pas sur les forums. Je trouve quand même que le phénomène est moins marqué qu'il y a quelques années. Oui. Ah ouais, j'avoue qu'on jouait les chips juste pour les avatars et c'était pour voir Nina Dobrev avec Yann pour refaire le couple et ainsi de suite. Et c'était surtout les forums, on retrouvait chaque fois les mêmes couples. Oui, moi je me rappelle des batailles où s'il n'y avait pas genre de réservation d'avatar, mais bon Dieu, il y en avait 3 ou 4 Nina qui se battaient pour finir sa fiche en premier, c'était affreux quoi. Et puis à un moment, il y a aussi la mode des forums où il y avait, on pouvait multiplier l'avatar, donc avoir par exemple 3 Nina, etc. Ah ouais, alors ça me fait mal au cœur. Moi, avoir 3 Nina, ça me donnait la gerbe, donc non. Pauvre Nina. Et autant j'adore Nina. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, on les voit tellement souvent, l'avatar, puis on les voit tellement souvent avec le même personnage qu'on commence à détester les acteurs. Oui, ça, c'est qu'on colle une personnalité à un acteur, alors que non, c'est un acteur. Un acteur, il fait pour avoir plusieurs facettes. Mm. Et ça, c'est oublié sur les forums, malheureusement. Prochaine question, Lisa, est-ce que tu as envie d'y aller? Bah, écoute, j'avouerai que quelles sont tes raisons et tes motivations pour ce projet? Tu y as un peu réfléchi? C'est ça, je pense qu'elle l'a un peu dit, hein. Tu y as beaucoup réfléchi à part si et tu l'as beaucoup dit, à part si tu as autre chose à rajouter là-dessus. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je pense que j'ai un peu parlé en général. Oui. Mais je voulais vraiment proposer une façon de jouer qui était un peu différente, revenir un peu à un peu plus simple. En fait, c'est un peu comme les Sims, quand on y pense. La manière dont on a fait le forum, c'est on crée un personnage et puis on le joint à un univers. On y trouve des liens, voilà, exactement. Exactement. Ouais. L'idée, c'est pas d'arriver. En fait, il y a pas mal la psychose en ce moment de peur d'arriver sur un forum sans avoir de lien. Et donc, les gens éprouvent le besoin de d'abord tâter le terrain en invité, etc. Et personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui de plus en plus conduit à l'effet Kleenex, puisque les gens en fait construisent leur personnage à partir des liens qu'ils trouvent et les fondations de leur personnage sont basées sur d'autres personnes. Et finalement, quand ces personnes-là s'en vont, fatalement, leur personnage s'écroule, ils finissent par s'en aller eux aussi. Et donc, on voit vraiment un effet boule de neige où le départ de l'un entraîne le départ de l'autre, qui entraîne le départ du suivant, etc. Et pour moi, ça vient en partie du fait que les gens, au lieu de baser leur personnage sur des idées fortes qui leur plaisent à eux, de faire des personnages qui tiennent debout tout seuls, sont trop dépendants de leurs liens. Et donc ça aussi, c'était un des buts en supprimant les préliens. Donc, en gros, c'est ce que tu souhaites pour l'avenir de Night Night, de Light Night Ez. J'arrive pas à parler, excusez-moi, il est très tard. Exactement. Et, donc, tu souhaites quelque chose pour ces membres, en fait. Tu souhaites un avenir pour les membres. En fait, l'idée, c'est de vraiment réunir des personnages qui sont forts par eux-mêmes. Et donc, moi, je pars du principe que si un personnage est intéressant, il n'y a aucune raison pour qu'il ne trouve pas de lien. Aucune. Et l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur le personnage et plus sur le lien. C'est vraiment le but. Et puis, ton avenir à toi sur le forum, tu le vois comment, en fait ? Mon avenir, chaotique ou genre où tu as peur d'avoir. Je ne suis pas quelqu'un qui se projette dans le futur facilement. Mais déjà, comme tout le monde, le but, c'est de faire durer le forum, de pas sur le modèle Kleenex, de ne pas le voir s'écrouler au bout de 2 semaines, parce que ça me briserait quand même pas mal le cœur après tout ce travail, après y avoir pensé pendant autant de temps. J'espère vraiment avoir une communauté de membres soudés, pouvoir installer une bonne ambiance. En fait, c'est ça qui me... Personnellement, je ne suis pas spécialement attirée par les gros forums où il y a des centaines et des centaines de membres. Je préfère les comités plus réduits. On avait ça... Enfin, le but, c'est vraiment que tout le monde se connaisse, tout le monde parle avec tout le monde. Voilà, en fait, c'est vraiment ça que j'espère, créer un noyau de membres solides qui dure dans le temps. Voilà. On l'espère pour la Nightage. Et puis, on l'espère aussi pour Mercer, qu'il ait des copains, même s'il a une petite copine et une meilleure amie, qu'on rappelle, il n'est pas libre, il est à moi. Pardon, mais elle a aussi un double compte. Faudrait peut-être en parler, son mannequin Violette. Oui, bon, elle n'est pas mannequin. Je veux en savoir, parce que je veux en savoir plus sur Violette. Moi, je ne connais que Mercer. Alors, Violette, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? C'est le type de personnage que je préfère jouer, en fait. C'est ils ont cette apparence très dure. Ils s'expriment quasiment que en sarcasme. Comment expliquer? Les personnages en est sont souvent une violence sur leurs lèvres. C'est ça. C'est exactement ça. C'est une personne qui est très... violente et dure dans sa manière d'être et dans sa manière de parler, tu veux dire. Exactement. Donc, c'est quelqu'un qui ne fait pas facilement confiance aux autres. Qui prend très mal la défaite, je pense aussi. Pas spécialement, en fait. Elle est très cynique. Et ça... Dis-moi, elle n'a pas suivi le conseil de Timon en disant que si le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde, j'espère. En fait, non. Sa philosophie, c'est de toute façon, tu n'emporteras rien dans la tombe. Donc, en fait, elle est très cynique. C'est le type de personnage que je préfère. Donc, voilà, elle s'exprime avec beaucoup de sarcasme. Mais en gros, tout ça, c'est pour cacher quand même une certaine sensibilité, etc. Donc, voilà. Elle a une vision assez noire de la vie, quand même, si elle pense qu'on n'emporte rien. C'est vrai qu'on n'emporte rien dans notre tombe, mais quand même, quoi. Voilà. Ça frôle souvent le noir, oui. Les personnages d'Anaïs frôlent souvent le noir, en fait. Ils ont des démons intérieurs qui essaient de combattre. Et puis, je pense que elle, ça va être surtout ça, son démon intérieur. Ça va être en fait, elle-même. Je dirais même pas que c'est pas vraiment des démons, en fait. C'est plutôt une apathie face à la vie. Ouais, ouais. Elle s'en fout un peu. Et puis maintenant, le sujet qui intéresse le monde, parle-nous un peu de Mercer. On en parle beaucoup, Mercer. On en doit parler, mais on veut l'entendre de ta bouche, de tes mots. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, j'ai du mal à... avec Mercer, l'idée, c'est qu'il a été nommé après une rue à New York. Et un peu, ça peut... en fait, la rue où ses parents se sont rencontrés, ils ont eu le coup de foudre, etc. Et en fait, ça résume assez bien le personnage parce que c'est quelqu'un qui est très romanesque. Tendance à tout... commencer. Et il vit juste actuellement une crise identitaire et qu'il romantise, forcément. Et donc, se compare un peu à Icare, si vous connaissez un peu la mythologie grecque. Oui. Et un peu l'idée derrière lui, c'est ça. D'accord. Bah, j'espère que Mercer nous réservera d'autres surprises parce qu'on ne va pas spoiler non plus le reste. Hein. Non, non. Je pensais qu'elle allait peut-être un peu plus parler de ses relations, mais... Mais en fait, je préfère ne pas trop m'étaler sur ce sujet-là. C'était une blague. C'était une blague. Elle veut pas déclencher la guerre entre qui de Marco ou de May il préfère. Mais on va non, dire. De toute façon, la question est plus ou moins réglée, non? Oui. Voilà. Non. Mais oui, elle est réglée. Bon, une fois pour toutes, je vais le dire. À mes yeux, Margot voit... J'allais prononcer le mauvais prénom. Alors, on se calme, Claude, pour Light Night Tales. Margot voit vraiment Mercer comme un meilleur ami. C'est un repère, c'est à quelque part un homme-sœur. Sauf que Margot ne croit pas en l'amour et contrairement à Mercer, ne romantise absolument rien. C'est plutôt le contraire. Elle déromantise tout. Donc, c'est ça, Margot et Monsieur être ensemble, je veux dire, ça pourrait arriver une erreur, mais je pense pas qu'ensemble, ils seraient heureux de un. De deux, ça fonctionnerait tout simplement pas, ils se prendraient toujours la tête. Et puis, ça terminerait en « je m'en fous » et voilà. Donc, non, les amis, ça n'arrivera pas, à part peut-être une nuit... surtout avec le lien entre Mercer et Margot, ce que je voulais faire, c'est un retour vers... les liens platoniques entre garçons et filles qui sont vraiment forts et qui ne dépassent jamais, qui ne passent jamais la frontière du plus. Parce que je trouve que ça manque en général. Oui. Surtout nous. C'est rare de voir des amitiés fortes qui durent vraiment en RP et tout ça. J'avoue que les relations platoniques, c'est une idéologie qu'on a plus sur les RPG en fait. On les a dans les séries, mais on les a plus sur les RPG. Et encore, parce que tout le monde couche avec tout le monde et. Voilà. Je veux dire, Margot et Monsieur, je dirais pas qu'ils vont pas flirter ensemble, mais ça va rester quand même platonique, ça va rester une amitié. On verra bien ce qui se passera. C'est ça. Il y a aucun malice derrière Monsieur et Margot. Leur amitié, pour moi, est pure et elle est... Je dis pas qu'elle est saine, mais elle est pure et puis je pense que les deux côtés, ils s'adorent l'un l'autre. Pardon? Elle est pas mal saine, en tout cas. Oui, quand même, je veux dire, contrairement à d'autres relations qu'on a déjà eues, elle est très saine. Oui, alors rappelez-vous, les enfants, ne pas romantiser les relations malsaines. Oui, voilà. Ne pas penser qu'il faut reproduire ça dans la réalité. Oui, non. Il ne faut pas nécessairement romantiser la violence et tout ça, là. Ça mènera. Non, puis on n'oublie pas qu'entre ça, il y a Margot, il y a May. Je vais y arriver, moi, ce soir. Et May et Mercer ont une relation bien différente de celle de Margot et Mercer. C'est tout l'intérêt, en fait, de ces trois personnages, en fait. Ils ont des dynamiques très, très différentes. Bah, c'est le but, hein. Je pense que tout le monde avec ces personnages, de trouver des liens intéressants, nuancés, etc., qui puissent être développés sur le long terme. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à RP des liens qui sont trop simples, des liens qui n'ont pas... quand il n'y a pas un certain enjeu dans le lien, personnellement, j'ai beaucoup de mal à les RP. Je pense qu'on a tous on doit tous trouver son intérêt à jouer un lien, sinon ça n'a pas de sens d'avoir deux liens, en fait. Oui, tout à fait. C'est bien d'avoir des liens uniques. Bon, ben Anaïs, on va passer à un sujet un peu plus qui fâche. On va participer de la complicité entre les gens dans le RPG, entre les personnages aussi. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? La complicité. Entre les gens ? En quel sens ? Bah, la complicité entre les gens, par exemple, est-ce que tu as plus de facilité à jouer à RP avec des gens que tu connais, que tu préfères la plume, ou bien avec les gens, je sais pas, qui te donnent de l'action, ou bien tu diriges ? On a tous des affinités dans le monde du RP, forcément, hein. En général, quand on s'entend bien avec quelqu'un, c'est pour une raison et c'est aussi parce que ça marche bien d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que parfois, C'est pas parce que je m'entends bien avec une personne que ça veut dire que ça passe bien en RP. Bah, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'alchimie. Hein. Je ne sais pas vraiment l'expliquer. Parfois, ça passe, parfois, ça ne passe pas. C'est une question de feeling. Vraiment. Il n'y a pas d'autre mot pour l'expliquer. Ça n'a pas forcément à voir avec la façon dont je m'entends avec la personne. Mais clairement, moi, je suis quelqu'un d'assez difficile, en fait. J'ai du mal à trouver des partenaires avec qui j'ai ce feeling, avec qui... Mais tu diriges vers plus une plume particulière ou bien c'est vraiment tu vas aimer cette façon de RP, tu vas rester sur cette façon de RP ou tu vas aller voir d'autres genres de façon de RP ou pas? J'ai pas l'impression d'avoir une sorte de style d'écriture à laquelle je gravite. Mais forcément, je pense qu'on est tous en admiration devant les belles plumes. Donc moi, l'important, c'est vraiment... Enfin bon, c'est subjectif. Personnellement, je ne trouve pas, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je pense que le type de RP que j'aime, bah, c'est complètement personnel de nouveau, hein, mais c'est le RP qui te donne envie de répondre tout de suite. Tu le lis, tu sautilles sur place et tu as absolument envie de répondre. Ça, c'est une combinaison de tout, que ce soit parce que... le personnage en face répond d'une manière qui te surprend ou parce que bon, les fils te prennent. Enfin, c'est vraiment une... C'est difficile à expliquer. C'est vraiment le feeling. Voilà. Oui, j'ai ressenti ce sentiment-là, notamment avec Claude. En fait, c'est tu lis la réponse et tu as déjà ta réponse dans la tête. Tu sais déjà. Exactement. C'est ça. C'est un sentiment de bonheur, en fait, quand tu parles, que tu lis ce RP, que tu partages avec l'autre, en fait. C'est un moment privilégié que tu partages avec l'autre et c'est vraiment quelque chose de fascinant, en fait. Et je trouve que sur les RPG, en fait, ce sentiment-là est assez rare, mais qu'est-ce que c'est jouissif quand on trouve... Il faut trouver les bons partenaires. Et voilà. Voilà, c'est une question d'alchimie, j'ai dit. Bon, bah, moi, personnellement, j'espère être un bon partenaire quand même, hein, parce que je stresse. Hein, j'en ai pas cache pas, je stresse. J'ai aucun doute sur ça. Voilà. C'est drôle que tu évoques la question, parce que de mon côté, même si je fais souvent des personnages avec Anaïs, ça me stresse toujours de savoir si mes réponses vont lui plaire. Dis pas ça. Si tel personnage va lui plaire. Voilà. J'ai énormément de difficultés à jouer. Les préliens, les scénarios. Donc, le fait qu'il n'y en ait pas, je pense que ça l'aide beaucoup à enlever cette pression-là de « est-ce que je vais plaire ?» Parce qu'en réalité, c'est toi qui imposes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi aussi, quand je prends un prélien ou un scénario, j'ai aussi cette peur de ne pas convenir à la personne, de ne pas jouer le personnage comme la personne le vit. Je pense que c'est quelque chose que tous ceux qui prennent un prélien ou un scénario ressentent. Et j'avoue que moi, l'idée du prélien, parce qu'à la base, c'est un lien que tu as proposé, donc tu as un tout petit peu imaginé, même si je répète que ce n'est pas un prélien, j'ai pu m'approprier mais, et j'avoue que ça m'a fait un bien fou parce que je l'ai vraiment imaginé comme je le voulais et je te l'ai proposé comme moi je la voulais. Donc après, on l'a remanié ensemble, bien sûr, on a arrondi les bords ensemble, tu m'as dit « oui, ça j'aime bien, mais voilà, il y a ça aussi à prendre en compte ». Mais j'avoue qu'on a vraiment construit un truc ensemble et ça, j'adore cette… De pouvoir construire, même si on propose une base commune, l'idée c'est de construire le lien lui-même ensemble, de voir les détails ensemble, etc. Plus que les détails en fait, c'est vraiment construire tout. On a un système qui propose quand même de proposer une fondation, donc un lien dans sa forme la plus basique aux invités. Une sorte de prélien au fond, hein, mais bon, c'est un système qu'on... Oui, mais c'est beaucoup plus simplifié, c'est moins détaillé, c'est genre un intitulé et basta, ce que j'ai compris, non? En gros, c'est ça, c'est vraiment une synthèse du lien, vraiment pour aller dans le... Enfin, c'est le minimum syndical, si tu veux, c'est vraiment... Je te donne un exemple. La base. Pour que ça soit concret pour ceux qui nous écoutent. Je te donne un exemple. Par exemple, là, May, elle va avoir une sœur du même âge ou un peu plus âgée. Quand je vais poster ce lien-là, en plus, elle a un deuxième lien avec le personnage d'Audrey de Bluebird, je vais poster quoi, moi, concrètement? Concrètement, qu'est-ce que tu peux poster, par exemple? je ne sais pas d'où, si elles sont. Tu vas donner une idée générale de la situation familiale, donc par exemple où elles sont nées. Par exemple, si tu as d'autres choses en particulier à préciser. Son âge, par exemple, elle est divorcée du personnage d'Audrey. Voilà. Et basta, c'est ça. Et je peux c'est même je peux dire qu'elles ne s'entendent pas ou pas. Oh, oui, tu peux donner la base humaine. Donc, par exemple, elles ont grandi, je ne sais pas moi, à Atlanta. Elles ont emménagé. Je n'ai pas besoin de lui donner un caractère bien défini. L'idée, c'est justement de ne pas en donner. Tu peux donner, par exemple, l'idée elles ne s'entendent pas depuis qu'elles ont 12 ans parce qu'un événement il s'est arrivé. Et alors, si tu as besoin de donner une base de caractère, tu peux. Hein, ouais. On ne bloque pas ça, mais l'idée, c'est vraiment construire. Je vais lancer ma recherche. Hein. Le personnage que je cherche, c'est la sœur de May. Elle est l'opposé de May. Elle est dépendante alors que May est très, très indépendante. C'est une femme forte alors que l'autre recherche toujours l'attention. Elle a divorcé parce qu'elle ne supportait pas la relation que Abbé avait avec May. Voilà, point barre. Moi, je ne vais pas aller plus loin si tu me dis que c'est très simple et que je peux chercher juste ça. Je vais pas me casser la tête, en fait. Exactement. Et donc, il y a un autre truc à savoir. Ouais. C'est une fois que tu posteras ce lien. En fait, ça revient un peu à l'ancien système. L'ancien système des fiches de liens qu'on écrivait un lien qu'on aimerait avoir, en réalité, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est du bonheur, parce que moi, je vous avouerai que les pré-liens, mais genre, je cherchais un pré-lien déjà d'une, on ne savait jamais quand il allait être pris, et de deux, en plus, on devait écrire, mais moi, j'en avais marre d'écrire, j'aime pas déjà les fiches à rallonge, alors mettez-moi à faire un pré-lien, mais je me tire une balle dans la tête, quoi. Mais je pense qu'un des gros problèmes aussi, c'est quand on se promène sur un forum, il y a tellement de pré-liens qu'on ne sait plus où donner la tête. Vraiment, c'est difficile de faire le tri dans... Triste. Oui, il y a aussi que c'est un peu triste pour ceux qui n'auront jamais leur prélien pris ou ceux que... Voilà. Et puis, je trouve ça dommage hein, parce qu'on reste bloqué sur son prélien alors qu'en attendant, on aurait pu trouver des liens avec d'autres membres qui sont déjà présents, qui sont déjà actifs. Et c'est ça le problème des RPG de maintenant. Et je trouve que tu as contourné ce problème avec... Enfin, vous avez tous, toutes dans le staff, contourné ce problème avec... Bien, beaucoup d'intelligence en fait. Moi personnellement, j'ai eu le coup sur un dernier forum. J'avais des préliens familiaux entre autres qui ont été tous, tous tentés au moins 5 fois sur la durée qui a duré plus de moins 5 mois. Au moins 5 fois tentés chaque fois. Et donc, je peux dire que c'est au bout d'un moment, c'est vraiment éreintant. Je sais bien, hein, la forme du prélien faisait que. C'était le genre de lien qui était facilement abandonné, facilement pris, facilement abandonné. Il y a aussi qu'à un moment donné, à force de faire des forums et puis de voir qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, on en vient à se décourager. Je veux dire, avant de joindre le projet Late Night Tales, je me demandais si j'allais faire des forums avec Anaïs parce qu'on pensait qu'à la base, c'était un peu nous le problème. Je veux dire, en partie, oui, ça vient un peu de la façon dont on administre, mais ça vient aussi de la manière dont les membres vont percevoir le forum. Puis ça vient pas juste des membres, mais de l'administration, ça vient aussi du système complet. Donc, je pense qu'en déformant ce système-là, en allant le plus simple possible, puis en vraiment faisant que la prédominance du forum, c'est de trouver des liens avec n'importe qui. Je veux dire, les petites connaissances qu'on avait dans le temps des années 2010 vont pouvoir revenir sur ce forum-là. Les liens un peu stupides de tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu lui échappes ton café dessus, vont pouvoir revenir. Tous les petits liens avec des situations tellement simples vont revenir parce que New York est tellement grand et puis tout le monde n'a presque pas de voiture. C'est souvent dans la rue. Ça va être tellement facile de créer des liens. Même si ton personnage n'est pas très social, tu vas vous trouver une façon d'avoir un lien avec quelqu'un. Je trouve que c'est le forum idéal pour avoir tellement de liens, de RP tellement de façons différentes que voilà. Mais c'était donc vraiment... en gros, on en revient au point où on va créer de la complicité et ça, moi j'adore, sincèrement. Oui, c'est ça le but. Parce que dans les topics communs, je veux dire, comme on parlait de compatibilité, un topic commun, personnellement, j'ai pas besoin de compatibilité. Là. J'ai juste besoin de... Ah oui, tout à fait. Moi, c'est pareil. Moi, les topics communs, j'adore. Oui, puis voilà, les topics communs, c'est de l'action. Moi, je suis partie sur le principe que le topic commun, c'est de l'action et qu'il n'y a pas besoin d'une certaine complicité. C'est juste, voilà, il y a une action qui se produit, tu as une réaction, tu as une autre action, basta, quoi. C'est... Oui. Et surtout, ça, c'est, je trouve que c'est une façon vraiment différent de faire évoluer son personnage parce que il est confronté à beaucoup de personnes différentes, peut-être qu'on n'aurait pas forcément RP avec, enfin, avec qui on n'aurait pas forcément RP autrement. Et oui, moi personnellement, j'ai vraiment une grande peur d'été commun. Oui, je pense que c'est pour ça que la formule revient souvent, surtout avec nous deux. Oui, parce qu'on aime créer des événements qui vont être rassembleurs. Forcément, il y en a qui vont marcher moins que d'autres, mais c'est juste le fait qu'on peut peut-être découvrir des personnages sous un nouveau jour. Et c'est toujours aussi plaisant de ne pas RP avec les mêmes personnes. C'est une manière d'avoir un RP petit, mais qui est rapide à faire. Puis, on n'a pas besoin de faire de la poésie à deux tonnes. C'est très, très simple à faire. Puis, ça permet aussi aux nouveaux de s'intégrer tellement facilement parce que y a littéralement tous les personnages actifs du forum vont être sur le topic commun. Ah oui, c'est tout à fait. C'est une façon de trouver tous les gens actifs, hein, de regarder qui postent souvent dans les topics communs. C'est toujours les gens les plus actifs. Oui. Parlant de gens actifs, n'hésitez pas à poster pour avoir des liens. Empoter, c'est la nouvelle façon. Si jamais ce Discord est tout le temps une belle façon aussi. Mais n'hésitez pas non plus. Beaucoup disent qu'ils ont un peu de difficulté à aller joindre le staff pour des problèmes, des suggestions, des questions, des liens. Personnellement, on aimerait vraiment beaucoup être un staff qui est disponible, qui est accessible, que personne n'a. Je pense qu'en fait, on est tellement folles les unes que les autres que vous allez genre vous demander si on n'est pas des membres qui sont à demain. Parce que c'est ça. Là. On aime notre forum, on veut RP sur notre forum, on aime nos liens, on aime nos personnages surtout. On est tellement motivés à offrir un forum que je veux dire, même nous, on va aller vous empoter. Bon, laissez-nous le temps de revenir de l'ouverture, mais après, on va vous empoter, on va vous répondre et on va être à fond. Parce que moi, personnellement, j'adore RP. Je pense que c'est une de mes parties préférées à part l'animation, à part voir une communauté sur un forum. Donc, écoutez-moi. Hein. Écoutez-moi. Oui. On est tous là pour ça. Hein. Oui, puis on n'a pas tous la même fréquence de RP. Donc, parfois, avoir 2-3 RP si quelqu'un est en absence. Moi, ça me dérange pas d'en avoir un autre. Je tiens à dire que Chloé est une machine de guerre, donc vous pouvez lui demander beaucoup de RP, elle dira jamais non. Hein. Alice, on est pas loin à me timer. J'ai fait 3 RP en une heure, c'est ça? Ouais. Non, mais Chloé est une machine de guerre. Vous lui donnez un temps imparti pour faire un RP, elle le fait. Ouais. Donc, sur ce, vous voyez notre belle complicité et que moi, en tant que membre, je ne fais pas partie du staff et pourtant, je suis ravie de partager ce projet avec vous par le biais du Discord parce que, voilà. Alors, merci Anaïs, merci Chloé parce que sans Chloé, il n'y aurait pas de podcast. Sans Anaïs, il n'y aurait jamais eu l'autorisation pour faire cette idée. Alors, moi, je la remercie. Moi, je veux aussi dire merci à Lisa parce que sans Lisa, ça n'aurait jamais été qu'est-ce que c'est le podcast. Je suis administratrice sur le forum en plus de faire le podcast, donc c'est beaucoup pour moi à gérer. Lisa fait la mise en forme de tout, donc merci à elle. Puis surtout, merci à elle d'avoir proposé des slogans aussi géniaux. Wow, c'était magnifique. Ah, moi, écoutez, je voudrais vite dire merci à vous deux. Oui. Je voudrais vite dire merci à vous deux pour d'avoir eu cette idée. Je trouve ça vraiment chouette de proposer ça. Et voilà, c'est vraiment une bonne manière de réunir tout le monde. Et puis, comme j'étais là au dernier podcast, je peux attester que malgré le fait que ce soit la première fois qu'elles organisent, que toutes les deux elles organisent quelque chose comme ça, elles arrivent à se débrouiller vraiment super bien. Et voilà, merci pour cette jolie idée. Merci à toi. Merci à toi. Et tu vas finir par nous faire pleurer, on n'a pas fini le podcast, moi. Il reste encore beaucoup de boulot là. Ne fais pas pleurer. Allez, on va se laisser là et on reprend tout de suite le podcast. Allez, à tout de suite. Merci Anaïs. Et puis si jamais tu vas trouver ça un peu bizarre de t'entendre, mais. Tu vas voir. Probablement pas m'écouter parce que. T'inquiète pas, c'est quand on parle, on ne se connaît même pas quand on parle. Moi, je ne connais pas ma voix. Bon, sur ce, merci beaucoup, Anaïs. Et puis, on vous revoit pour la suite après une petite pause musicale. Voilà, à tout de suite.